Bonsoir, Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Ce soir, nous côtoierons les dieux, et pas n'importe lesquels. Ceux de l'orage et du soleil, Hadad et Shamash, des enfers, Nergal, comme de l'amour physique, Ishtar, ou de la guerre, Zababa. Pour pénétrer au cœur du Saint des Saints, croiser découvertes archéologiques et sources textuelles, sous l'égide de Nabou, divinité de l'écriture, notre guide sera aujourd'hui Dominique Charpin. Bonjour. Bonjour. Assyriologue, professeur au Collège de France, vous possédez depuis 2014 la chaire Civilisation Mésopotamienne. Votre premier cours consacré au temple de Mésopotamie paraît aujourd'hui aux éditions Collège de France Les Belles Lettres, sous le titre « La vie méconnue des temples mésopotamiens ». Avant de plonger dans le sacré, restons un instant dans le méconnu, celui de l'assyriologie et de l'assyriologue, un mot formé par Ernest Renan en 1859. Dominique Charpin, comment peut-on être aujourd'hui assyriologue ? Sans doute pas de la même manière qu'on l'était à l'époque de Renan, parce que à ce moment-là, c'était les tout débuts. Et si ce mot d'assyriologue a été forgé, c'est que les premières découvertes de textes ont commencé par l'Irak du Nord, donc ce qu'on appelle Assyrie. Et puis ensuite, on en a découvert aussi dans le centre et dans le sud de l'Irak actuel, donc les territoires babyloniens. Mais le mot était forgé, il nous est resté. Donc le mot assyriologue désigne en fait une personne qui est spécialisée dans le déchiffrement de l'écriture cunéiforme et des tablettes d'argile qui servent à noter cette écriture. Il y a aussi le sumérologue. Alors là, Une sous-branche de l'assyriologie. Voilà, on rentre dans le détail de toutes les langues qui ont été notées au moyen de cette écriture cunéiforme. La plus ancienne, c'est le sumérien. Donc, les spécialistes de la langue sumérienne, on les appellera des sumérologues. Ensuite, vous avez la langue akkadienne, qui est, elle, une langue sémitique. Mais on n'a pas trop l'habitude de parler d'akkadologue. C'est plutôt par le terme traditionnel d'assyriologue qu'on est désigné. D'ailleurs, est-il légitime de parler de civilisation mésopotamienne, puisque les anciens ne l'ont jamais appréhendé de la sorte ? Ça, c'est toujours le débat qui consiste à savoir, est-ce que nos catégories doivent reprendre celles des anciens ou est-ce qu'elles doivent être différentes ? Notre difficulté, c'est de rendre compte à la fois de la grande unité qu'il y a eu dans les civilisations anciennes d'un territoire qui correspond à l'Irak d'aujourd'hui et à la Syrie du Nord-Est, je dirais à peu près, et puis en même temps les changements qui s'y sont opérés au travers des millénaires couverts par cette histoire. Donc ce mot de Mésopotamie, les assyriologues l'emploient d'une façon différente du sens grec originel, même si l'étymologie, c'est les territoires entre les deux fleuves, donc entre le Tigre et l'Euphrate. Mais c'est la désignation qui, tant bien que mal, est employée. Je pense que à partir du moment où on prend des précautions, on peut continuer à l'employer valablement. On devrait parler de Syro-Mésopotamie, d'ailleurs depuis la découverte d'Ebla, qui se trouve bien sûr en Syrie. Absolument. La grande découverte du milieu des années 70, ça a été le fait que cette civilisation qu'on croyait confinée pour le milieu du troisième millénaire au sud de l'Irak, on a découvert que la Syrie avait déjà des villes tout aussi florissantes, avec une civilisation tout aussi développée, le recours à l'écriture cunéiforme également, avec des archives très riches. Et donc, en effet, l'espace s'est dilaté en quelque sorte. Aujourd'hui, au Collège de France, votre premier contact avec la Mésopotamie débuta par la fouille d'un temple, et non des moindres, celui du dieu soleil au cœur de l'antique cité de Larsa. Oui, là, vous me projetez à l'époque de mes 20 ans, lorsque j'étais étudiant et que Jean-Louis Huot m'avait proposé, au moment où je débutais ma maîtrise, de me joindre à l'équipe qui reprenait la fouille de Larsa à ce moment-là. C'était une chance formidable et qui a été quelque chose de tout à fait décisif pour la suite de mes travaux, même si je me suis un peu écarté de l'archéologie proprement dite pour me spécialiser davantage dans l'étude des textes, mais j'en ai gardé l'idée qu'il faut éviter au maximum de séparer ce qui ne doit pas être séparé, et il faut essayer d'avoir une vision globale. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage. Qu'avait-il de particulier, ce fameux temple de Larsa ? Oh, il était voué donc au dieu soleil, et c'était le dieu de la justice, mais on y a surtout retrouvé dans une des pièces une jarre avec à l'intérieur des pois, des petits morceaux d'argent et puis des fragments d'argile qui étaient des sortes d'étiquettes avec à l'intérieur des marques qui montraient que ça avait servi à nouer des petits sacs en cuir. Et l'idée donc c'était que tous ces fragments d'argent en réalité se trouvaient dans des sacs en cuir, et ces petites étiquettes portait l'indication d'un poids, donc un cycle, c'est-à-dire à peu près 8 grammes, ou bien deux cycles, etc. Et il y avait l'empreinte de sceau également d'une personne. Et cette personne, elle était vérificateur des poids rattachés au temple de la déesse Kittoum. Qui est-elle ? Alors Kittoum, c'est une fille du dieu Shamash, donc de ce dieu soleil auquel le temple de Larsa était voué, et c'était la déesse de la norme en quelque sorte, et du coup, en mettant cette découverte archéologique en rapport avec d'autres textes qui parlent des contrôles du poids de l'argent par des personnes relevant du temple de Kittoum, on comprend que ce temple de Kittoum correspondait à ce que nous appellerions un bureau des poids et mesures. Et donc, dans la mesure où on est dans une économie prémonétaire, il n'y a pas de pièces, il faut peser l'argent à chaque fois, il faut que cette pesée soit effectuée sous le contrôle de gens qui soient fiables, eh bien, c'était sous le patronage, en quelque sorte, de la déesse Kittoum que ces opérations étaient effectuées. Alors, ce trésor de Larsa, trouvé au cœur du temple, était très bien daté par l'archéologue Jean-Louis Héau. On avait au début pensé même qu'il pouvait y avoir un atelier d'orfèvre à l'intérieur de ce temple. Alors, ça a été la première interprétation de cet ensemble, tout à fait. Et on avait cru notamment qu'il y avait des outils d'orfèvre, et puis en réalité, on s'est aperçu que pas du tout, c'était des morceaux de métal qui étaient destinés à être récupérés. Et donc, l'image d'un orfèvre s'est évanouie, et la nouvelle image que j'ai proposée dans ce chapitre, c'est justement de dire que cette jarre correspondait aux instruments de travail de ce personnage rattaché au temple de Kittoum. Est-ce que l'on peut avoir des orfèvres ou d'autres productions au cœur donc de ces temples ? J'ai souvenir à Marie, on avait trouvé beaucoup de choses, semble-t-il, justement sur la nacre, le silex. Alors ça, c'était à l'intérieur du palais. Donc toute la question, c'est en effet de savoir est-ce que on a des activités artisanales qui ont pour cadre l'intérieur des temples ou des palais. C'est une question difficile parce que les postes de travail laissent peu de traces de la plupart du temps, et d'autre part, il faut pas oublier que nous fouillons des ruines, et donc on n'a jamais une photographie, je veux dire, un phénomène comme Pompéi est une chose tout à fait exceptionnelle. Les ruines que nous fouillons, il y a d'abord eu du désordre qui s'est installé par rapport à la dernière occupation et par rapport aux dernières fonctions qui avaient lieu dans les différents espaces. Donc c'est une affaire qui est encore assez discutée. Dominique Charpin, chaque cité est sous l'égide d'un seul dieu ? D'une divinité principale, oui. Donc, savoir si on peut employer le concept de divinité polyade, c'est toujours le problème, parce que la connotation du terme dans les cités grecques est différente de ce qu'on trouve en Mésopotamie, mais vous avez une divinité principale qui est la patronne, qui occupe le temple le plus important de la ville. Il y a d'autres temples dans cette ville. Cette divinité, c'est celle aussi par laquelle on prête serment, par exemple lorsqu'un contrat est conclu, lorsqu'un engagement est pris. C'est la divinité aussi à laquelle des femmes peuvent être vouées, on a des catégories de religieuses, et c'est toujours à la divinité principale de la ville que ces femmes peuvent être vouées, mais ça n'empêche pas ce dieu de coexister avec d'autres divinités dans la ville en question. Alors, puisque l'on parlait de Larsa, c'est bien sûr Shamash, le dieu soleil, c'est Marduk à Babylone ? C'est Marduk à Babylone, et ce qui est remarquable à propos de Marduk, c'est que la place de ce dieu à l'intérieur du Panthéon a progressé à mesure que la puissance politique de Babylone s'est affirmée. Donc, à l'époque d'Amourabi, c'était déjà une importance tout à fait considérable, mais Marduk n'est parvenu au sommet du Panthéon mésopotamien que dans la deuxième moitié du deuxième millénaire, lorsqu'il a réussi à évincer le dieu Enlil qui occupait cette place. Donc, il y a une sorte d'histoire dans la suprématie à l'intérieur du Panthéon que l'on arrive à reconstituer progressivement. Comment s'est faite cette suprématie justement de Marduk ? On arrive à l'expliquer ? Oui, il y a eu un Nabucodonosor premier qui est beaucoup moins connu du grand public que le Nabucodonosor du premier millénaire qui est Nabucodonosor 2, mais néanmoins ce Nabucodonosor premier a joué un rôle très important, notamment parce que il a réussi à remporter une grande victoire sur les Élamites qui occupaient le territoire actuel de l'Iran, et à la suite de cette victoire, eh bien, il y a eu une promotion du dieu Marduk qui est devenu le roi des dieux. De la même manière que le roi temporel de Babylone avait réussi à s'imposer face à ses ennemis. Parfois, le nom de la ville est accompagné non pas du nom du dieu, mais celui du temple du dieu. C'est par exemple le cas dans le prologue du Code d'Hammurabi. Voilà, pour des raisons sans doute littéraires, le rédacteur de ce texte n'a pas voulu faire quelque chose qui ait l'air d'un catalogue. Donc il a varié en employant tantôt le nom de la ville, tantôt le nom de son temple principal, avec parfois la précision du dieu, parfois c'est simplement implicite. Et grâce à toutes les informations qu'on a par ailleurs, nous pouvons faire le tableau complet. Et ce code d'Hammurabi, il aurait pu être dans un temple ? Tout à fait sûr qu'il s'y trouve, puisque dans la dernière partie du texte, l'épilogue, il est fait explicitement allusion au fait qu'il se trouve à l'intérieur de l'Essagil. Essagil, c'est le nom propre du temple du Marduk à Babylone. Mais nous savons qu'il en a existé d'autres copies, et celui qui est aujourd'hui au Louvre, il était à l'origine dans le temple du dieu Shamash de Sippar, et puis il y a été enlevé par les Élamites, précisément, au XIIe siècle avant notre ère, et c'est la raison pour laquelle il a finalement été retrouvé sur le site de Suse, en Iran. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Dominique Charpin, posons-nous une question théologique. Que se passe-t-il si la ville est détruite ? Est-ce que le dieu meurt ? Le dieu ne meurt pas, mais les gens ont le sentiment que le dieu a été en colère contre les habitants de la ville, et donc il a quitté sa ville, et c'est ça qui a permis à l'ennemi de s'en emparer et de la détruire. Et donc, il y a toujours cette idée qu'il faut prévenir la colère des dieux, d'où très souvent le recours à des lamentations qui sont pas tellement la déploration d'une situation actuelle, mais qui signifie aux dieux qu'on veut éviter de connaître cette situation de désolation et de destruction que provoquerait sa colère. Donc en fait, les lamentations étaient des textes qui étaient destinés à calmer la colère des dieux. Ce fut le cas justement pour la chute d'Akkad vers 2200, qui fut imputée bien sûr à son roi Naram-Sin. Alors là, il y a eu le fait que le roi Naram-Sin aurait décidé de construire un temple sans suivre les rituels habituels, et en particulier sans consulter les dieux par le biais de la divination. Et du coup, les dieux s'en seraient irrités, et ce serait la raison pour laquelle sa dynastie a finalement été balayée. Donc ça, c'est la façon dont on a vraiment une théologie de l'histoire. Les contemporains et les générations qui suivent se font une représentation de différents éléments de leur histoire qui est rythmée par les décisions divines. En cas de chute de la ville, les vainqueurs déportent la population, mais aussi les statues bien sûr des dieux, et détruisent aussi les temples. On a toutes sortes de cas de figure, mais bien souvent c'est le cas, et lorsque la paix revient, il faut reconstruire. Au premier millénaire, on voit cela précisément avec Babylone. Le roi assyrien Sennachérib a été furieux de l'attitude des Babyloniens à son égard, et il a détruit la ville de Babylone. Et quelques années plus tard, son fils Assaradon a voulu au contraire reconstruire la ville. Alors, il a plus ou moins truqué un présage, parce que normalement, il aurait fallu 71 ans avant que la ville puisse être reconstruite, nous dit-il. Et puis, en faisant un trucage en écriture cunéiforme, vous intervertissez deux signes, et à ce moment-là, au lieu de 71, vous avez 11 simplement, et donc il a pu légitimer comme ça sa reconstruction en disant, mais non, vous voyez bien que c'est au bout de 11 ans que la ville a pu être reconstruite, et là, on a reconstruit des temples, et les fouilles ont permis de retrouver cette couche. Est-il anachronique de parler de clergé pour ces temples mésopotamiens ? Votre thèse d'État avait toutefois comme titre « Le clergé d'Ur au siècle d'Amourabi ». Alors, clergé, prêtre, ce sont des mots qui sont évidemment très connotés, qu'il faut définir à chaque fois. Si vous refusez de parler de prêtre, vous pouvez parler du personnel du temple, et c'est sans doute une façon plus juste de faire. Mais ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que tout le personnel du temple, en fait, a une tâche qui est une tâche véritablement religieuse. Par exemple, les gens qui sont chargés de l'entretien, on dirait aujourd'hui les techniciens de surface, eh bien, balayer la cour du temple, en réalité, c'est en maintenir la pureté, et donc c'est une tâche qui a une dimension sacrée. Dominique Charpin, vous revenez de Mésopotamie, mieux, vous revenez d'Ur, de cette fameuse ville, on va dire du 3e et du 2e millénaire ? J'ai eu cette chance considérable que la collègue américaine Elizabeth Stone, qui a repris la fouille en 2015, m'a invité à être épigraphiste de cette mission. Donc il y avait déjà eu une première mission à l'automne 2015. Et là, ce printemps dernier, une nouvelle mission a eu lieu, et avec des résultats qui sont tout à fait significatifs. On a retrouvé plus de 120 documents écrits. 120 tablettes. Il y a également quelques étiquettes. Il y a des textes scolaires, il y a des documents d'archives qui datent du début du deuxième millénaire, et tout ça est passionnant. Et puis, vous y avez retrouvé quelqu'un que vous connaissiez bien. Alors là, c'était, je dirais, la cerise sur le gâteau, si vous me permettez l'expression. Il se trouve en effet que 30 ans après, j'ai rencontré un des prêtres que j'avais déjà eu sur ma route lorsque je préparais cette thèse d'État à laquelle vous faisiez allusion. Et là, je me revois encore en train de nettoyer cette tablette. Je commence à voir ce nom propre qui est typique pour certains membres du clergé. Et puis, je continue à dégager la terre qui obstrue les signes cunéiformes. Et je vois que c'est le même nom. Et puis, je parfais le nettoyage de la tablette et je m'aperçois qu'il y a l'empreinte de son sceau. C'est non seulement le même nom, mais c'est la même personne. Et donc, ce prêtre, en fait, avait prêté une somme d'argent à un soldat. Et la maison qui était en cours de fouille, appartenait à un général qui a remboursé donc la dette de son subordonné. Et c'est comme ça que cette tablette a été rédigée et retrouvée lors de ces fouilles récentes. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons avec Dominique Charpin, professeur au Collège de France, les temples mésopotamiens. Un peu à l'image de nos saints, le panthéon mésopotamien était organisé, chaque dieu ayant une activité particulière. Tout à fait. On a une division fonctionnelle, pourrait-on dire, du Panthéon, et avec une sphère de responsabilité spéciale. On peut les déterminer de deux manières, en regardant dans les prières qu'est-ce qu'on demande à une divinité, d'une part, et puis, de façon négative aussi, en étudiant les malédictions. Par exemple, la divinité qui est censée donner la bonne santé, c'est elle aussi qui peut envoyer les maladies. Donc, si on veut maudire son ennemi, eh bien, on va demander à cette déesse d'envoyer toutes sortes de maladies affreuses et incurables à son ennemi. Donc, il y a les deux faces, en quelque sorte, mais à l'intérieur d'une même fonction. Beaucoup d'activités se déroulent au cœur du temple. Le sanctuaire de la déesse Gula, par exemple, aurait été utilisé en centre de cure. C'est une image qu'il est possible de reconstituer à partir de différents éléments. Il y a des textes qui nous montrent bien que les gens venaient dans ce sanctuaire pour être guéris, et lorsqu'ils étaient guéris, ils y déposaient des ex-voto. Et les textes de ces ex-voto sont tout à fait clairs. On a réclamé à la déesse la guérison, elle l'a accordée et on la remercie. Alors ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces ex-voto ont la forme de chien. Et le chien, c'est l'animal attribut de cette déesse Gula. Et la raison de savoir pourquoi s'est posée pendant longtemps, jusqu'à ce que les archéologues allemands qui fouillaient le temple de cette déesse à Isin dans les années 70 découvrent un chenil dans lequel on voyait que des chiens avaient été enterrés. Et par ailleurs, à la même époque, on a retrouvé une inscription d'un roi qui disait qu'il avait construit Alors, quelque chose qui littéralement signifie la maison du chien et c'est un problème pour les assyriologues parce que ce mot de maison, c'est celui qui est employé aussi pour les temples. Donc, fallait-il comprendre que c'était un simple chenil? Fallait-il comprendre que c'était le temple du chien? En réalité, ce qui est clair, c'est que ces chiens étaient utilisés pour guérir un certain nombre de maladies de peau. Et là, on a des parallèles du côté du monde grec, avec des inscriptions qui sont encore plus explicites que ce qu'on a dans le monde mésopotamien. Par exemple, une stèle à Épidaure, du 4e siècle avant notre ère, qui raconte comment un jeune homme est arrivé, le chien du dieu Esculape, puisque dans le monde grec, c'est un dieu et pas une déesse qui veille à la santé. Le chien, donc, a léché la plaie et le jeune homme est reparti guéri. Eh bien, dans le monde mésopotamien, de la même manière, toutes sortes de plaies dans un monde où les maladies de peau étaient très fréquentes pouvaient être guéries. Alors, il y a des gens qui peuvent émettre du scepticisme sur la capacité qu'avaient les chiens à guérir, mais en réalité, on sait que c'est quelque chose de tout à fait traditionnel. En France, on disait aussi « la langue du chien sert de médecin ». Voilà, c'est un quelque chose que nous-mêmes, nous pouvons observer. Quand on se pique, on va lécher l'endroit où on s'est piqué et on s'aperçoit que le sang s'arrête de couler. Mais dans la salive du chien, ça a été étudié récemment de manière très scientifique avec des termes que j'ai oubliés mais que j'ai noté soigneusement dans mon ouvrage. Disons qu'il y a une enzyme particulière qui a des vertus cicatrisantes. Et c'était donc cette vertu de la salive du chien qui avait été observée et qui du coup était utilisée pour guérir un certain nombre de plaies. Cela paraît étonnant parce qu'on peut penser aussi que c'est un animal un peu ambivalent. Tout à fait. Et on a par ailleurs aussi des cas de morsures de chiens qui sont traités de la même manière que la piqûre du scorpion, par exemple, avec des incantations pour essayer d'éviter le mal. Et c'est pour ça que le chien est une bonne figure pour la déesse Goula, parce que c'est à la fois l'animal qui va apporter la guérison, mais c'est celui aussi qui peut apporter la maladie que l'on souhaite à son ennemi. C'est deux faces de la divinité, celle qui apporte la santé, la guérison, celle aussi qui peut donner des maladies graves. Hormis la langue du chien, on soigne aussi par des onguents et des herbes? Nous savons que dans les temples de Goula, il y avait en effet des herboristeries et la déesse elle-même est, dans certains textes, qualifiée de la guérisseuse qui soigne par des herbes. Donc c'est aussi une dimension très importante des activités qui avaient lieu dans ce temple. Dans divers temples, on a trouvé des bureaux de poids et mesure. Est-ce que le temple de Larsa, dont on parlait tout à l'heure, pourrait être de la sorte? Je pense que dans ce cas-là, c'était simplement une chapelle, si on peut employer cette expression, à l'intérieur du temple. Le temple de Shamash en tant que tel, c'était davantage quelque chose qu'on pourrait appeler un tribunal. Évidemment, rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui dans les tribunaux, mais le problème essentiel, c'est celui de la garantie de la véracité. Et on est dans un monde dans lequel le serment joue un rôle essentiel. Et le dieu Shamash, c'est celui qui voit depuis le ciel, dans lequel il se promène pendant la journée, il voit tout ce qui se passe en bas, ce que font les hommes, et qui peut être éventuellement caché. Et donc, si vous prêtez serment dans l'enceinte du temple de Shamash, eh bien, si jamais vous avez affirmer sous serment quelque chose qui est faux, vous allez vous exposer à la malédiction divine et c'est quelque chose qui pourra vous atteindre par la suite. Et donc, il y a des cas où, dans des procès, on voit des gens que l'on contraint à prêter serment et qui, finalement, au dernier moment, reculent et refusent de prêter serment. Donc, la menace était vraiment prise au sérieux par les anciens Mésopotamiens. Et c'est comme ça donc que certaines personnes peuvent gagner. Elles ne peuvent pas apporter la preuve de ce qu'elles disent, mais comme la partie adverse refuse de se soumettre à l'épreuve du serment, elles l'emportent. Les poids et mesures étaient sous le patronage de la déesse Kitoum. Voilà, donc cette fille de Shamash, et on voit bien qu'on est dans le même domaine, la même sphère, justice, emploi de poids et mesures qui ne soient pas truqués, etc. Il y aurait même eu des prisons dans les temples? Alors, c'est une autre annexe du temple de Shamash qui était placée sous le patronage de la déesse Nungal. Et on a un texte qui est tout à fait intéressant où on voit quelqu'un qui était condamné à mort et qui fait la louange de cette divinité en espérant qu'il pourra sortir de cette prison. Les archéologues n'ont-ils pas eu quelques difficultés à identifier les espaces des temples, par exemple à Nippur, où ils ont vu un temple cuisine alors qu'il s'agissait de la cuisine d'un temple ? Là, on se heurte toujours à la difficulté que nous avons de considérer les aspects concrets, matériels du culte comme étant quelque chose qui relève malgré tout du sacré. Donc la préparation des aliments à l'intérieur des temples, c'était quelque chose d'essentiel parce que les hommes ont été créés, du moins c'est comme ça que les Mésopotamiens voyaient les choses, ont été créés pour le service des divinités et notamment pour les nourrir. Et donc ça supposait concrètement d'avoir des espaces techniques destinés à faire cuire le pain, par exemple, on a retrouvé à Our, près de la tour à étage, la ziggourat, un grand fourneau qui était destiné donc à la cuisson de pain, à la cuisson de viande également. Il y avait des brasseries également, parce que les dieux buvaient de la bière comme tout le monde. Et ensuite, évidemment, on apportait ces plats et ces boissons devant les divinités, qui les consommaient du regard. Et il y avait donc des restes, et ces restes étaient redistribués au personnel du temple. Tous ces temples avaient-ils des fonctions plus ou moins annexes ? Et qui est des fonctions qui étaient liées à la nature de la divinité qui les occupait. Alors on peut pas le démontrer dans tous les cas, mais on arrive quand même à avoir une liste tout à fait impressionnante. Par exemple, pour le dieu de l'écriture, les fonctions d'archives ou les fonctions d'école, de lieu d'apprentissage, qui sont liées au fait que cette divinité était celle qui était la patronne de l'écriture. En chinois, on les appelle les bateaux de fleurs. Vous les évoquez sous le terme les temples de l'amour. Les sanctuaires de la déesse Ishtar étaient-ils des bordels ? Alors, dans mon livre, j'ai parlé de maisons de plaisir, mais il est clair que le fait qu'Ishtar soit la divinité de l'amour, entendue au sens physique, conduit à aborder aussi l'existence de ces temples d'une manière un peu différente de ce qu'on a fait pendant longtemps, avec un grand débat. C'est celui de ce qu'on a appelé la prostitution sacrée. Hérodote ? Alors, Hérodote a jeté le trouble parmi les spécialistes et on a deux camps en quelque sorte, ceux qui disent qu'il n'y a rien compris et ceux qui au contraire considèrent qu'il y a certainement un fond de vrai derrière ce qu'il a pu écrire, la difficulté étant d'arriver à savoir exactement à quoi il a pu faire allusion, qu'est-ce qu'il a pu voir si jamais il est allé à Babylone, ce qui est une affaire aussi très discutée, qu'est-ce que, en tous les cas, ses informateurs ont pu lui raconter. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où la déesse Ishtar se décrit elle-même dans les textes où on la fait parler comme une prostituée. La prostituée, même. La prostituée par excellence, oui. Et on a même des textes qui sont à nos yeux tout à fait incroyables où la déesse donne les tarifs en fonction des positions. Donc, par rapport à la tendance de certains assyriologues ou de certaines assyriologues de refuser l'existence de la prostitution en Mésopotamie, à partir du moment où il y a des relations sexuelles tarifées, je pense qu'on peut parler de prostituée. Simplement, il faut l'entendre d'une façon bien différente de ce qui existe dans nos sociétés. Ça n'a rien à voir. Le problème est que il y a dans l'acte sexuel quelque chose qui dépasse l'homme, quelque chose qui était considéré comme transcendant en quelque sorte. Ishtar est une divinité complexe, la prostituée et la déesse de la guerre à la fois. D'ailleurs, on se recommande d'elle quand on veut jeter sort et malédiction. Tout à fait. Donc, son patronage pour les activités sexuelles fait que on a donc parlé de prostitution sacrée, ce qui est embêtant parce que si on dit prostitution sacrée, ça suppose qu'il y ait une prostitution non sacrée, profane en quelque sorte, alors que en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prostitution en elle-même a une dimension sacrée. Dominique Charpin, faut-il comprendre qu'en Mésopotamie, tout est l'œuvre des dieux ? Absolument. Et c'est pourquoi la notion d'invention est complètement étrangère aux Mésopotamiens, parce que tout est révélé par les dieux aux hommes. Dominique Charpin, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, La vie méconnue des temples mésopotamiens, paru aux éditions Collège de France, Les Belles Lettres. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur la page de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr.